À quoi tenez-vous le plus chez vous ? Au service en argent de votre grand-mère ? À votre première guitare ? Ou à la collection de cailloux du petit-dernier ? Quel que soit le trésor que vous souhaitez protéger, il mérite la télésurveillance ImaProtect. Parce que pour surveiller tout ce qui compte pour vous, vous pouvez compter sur nous. En ce moment, avec le code France Inter, les frais de mise en service et le premier mois d'abonnement sont offerts. Alors contactez dès maintenant un conseiller ImaProtect. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2022, non cumulable avec d'autres offres en cours. ImaProtect, entreprise agréée CNAPS, plus d'informations sur imaprotect.com. Salut Frédéric, bravo à tous pour l'émission. Je voudrais juste rajouter un commentaire sur Bayonetta. J'en ai marre sur Super Smash Ultimate de voir ce personnage. À chaque fois, je me fais déboîter. Donc j'en ai marre. Vive Bayonetta, mais pas sur Smash. Allez, bisous. To be or not to be, not to be. Vous savez quoi ? Andor, la dernière série Star Wars, c'est vachement bien. C'est bien joué, c'est bien pensé. En termes d'effets spéciaux, on n'a pas l'impression d'avoir une version Wish de Star Wars tournée dans un parking Ikea. On sent que les scénaristes ont compris que les spectateurs de 2022 sont habitués à voir d'autres séries, sont accoutumés à d'autres formes de narration. Que le seul nom de Star Wars ou de Skywalker n'est plus suffisant pour garantir le succès d'une série, qu'il faut avoir un peu plus d'ambition et d'exigence. Werewolf by Night, le mini-film sur Disney+, réalisé par le compositeur de musique Michael Giacchino, ça aussi c'était vachement bien. Une plongée en noir et blanc dans un univers qui rend hommage au film d'épouvante de la Hammer, et aussi au pan le plus surnaturel du monde Marvel. C'était plein de bonnes idées qui font plaisir. Les Anneaux de Pouvoir aussi, la série préquelle du Seigneur des Anneaux, malgré sa réception plus mitigée, a également eu droit à des vrais moments de grâce sur petit écran. Et vous savez quoi ? Ça m'énerve ! Ça m'énerve de voir autant de projets qui auraient pu faire des films incroyables sur grand écran. Des films que l'on aurait attendus, des films devant lesquels on aurait pu camper devant les cinémas, des films dont on aurait attendu la sortie des mois plus tard en DVD ou en Blu-ray pour pouvoir les afficher fièrement sur son étagère de salon. Des films qui ne disparaissent subitement pas d'une plateforme pour des raisons politiques ou économiques. Ça m'énerve de voir tous ces talents, devant et derrière la caméra, n'être plus que le carburant d'une usine à contenu où toute nouvelle série chasse la précédente avec la rapidité d'un premier ministre anglais. Vous savez quoi ? Fut un temps, Star Wars était un événement. Aujourd'hui, ça n'est plus qu'un abonnement. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Star Wars, Superman, Indiana Jones, Harry Potter, autant de blockbusters qui à leur évocation convoquent des images devenues cultes, mais aussi des bandes-son mythiques. Des bandes originales de films que l'on doit à un seul homme, John Williams. 5 Oscars pour 47 nominations, il est le seul avec Walt Disney à avoir été nommé aussi souvent. Un nom devenu indissociable du cinéma grand spectacle américain. Un nom souvent mis dans l'ombre de Steven Spielberg et George Lucas, mais qui ne doit pas faire oublier qu'il est souvent celui qui a aussi montré la voie à Spielberg et Lucas. Car bien avant Les Dents de la Mer, bien avant Spielberg, John Williams était déjà une star à Hollywood. Pour revenir de manière non exhaustive sur la carrière de ce compositeur de génie, j'ai avec moi Stéphane Lerouge, bonjour. Bonjour. Vous êtes concepteur de la collection discographique des bandes originales de films Écoutez le cinéma chez Universal Music France. Vous êtes également spécialiste de musique de film et vous venez de sortir un coffret de 14 CD sur Ennio Morricone et vous sortez en décembre un coffret de 5 vinyles sur Michel Magne. Bravo. Avec nous également, et on est ravis, Chloé Yvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en musicologie à l'université d'Évry-Val-d'Essonne à Paris-Saclay. Et vous êtes également chercheuse permanente en musicologie au sein du laboratoire, je vous laisse le dire. RASM CHSC. Voilà, exactement. Et vous êtes auteur de Composer pour l'image numérique, Star Wars d'une trilogie à l'autre, chez Vrin, aux éditions Vrin. Et vous avez également sorti Ennio Morricone pour quelques notes de plus aux éditions universitaires de Dijon. Tout à fait. Les présentations sont faites, fermez les yeux et laissez-vous mener au doigt et à la baguette du maestro John Williams. Donc très graduellement, par une évolution qui n'a pas été planifiée, j'ai fait le voyage depuis le banc du piano jusqu'au banc du compositeur. Et donc, pour le dire simplement et résumer ça rapidement, mon avancée à travers le travail musical et la composition, puis finalement la direction d'orchestre, qui était une évolution qui n'a absolument jamais été planifiée. Sur les premiers films que j'ai faits, les chefs d'orchestre des studios dirigeaient la musique. Alors moi, j'étais assis sur ma chaise et j'écoutais cette personne que je prenais pour un vieux, mais qui devait avoir 40 ans. Et je me disais, non, la troisième mesure est trop rapide. Non, la quatrième mesure est trop forte. Il y a trop de flûte et pas assez de basson. Et finalement, un jour, l'un d'eux a été malade. Et on m'a dit, John, tu veux faire la session de vendredi ? Oui, bien sûr que je veux. Et donc j'ai dirigé la session et c'était formidable. Et donc, je le redis, une évolution non planifiée, c'est sûrement dans la vie la bonne manière de faire. Si vous avez des aspirations précises, il se peut qu'il y ait beaucoup de déceptions sur le chemin, avec des coups durs. Pour moi, ça a toujours été de l'encouragement et de la découverte, et des expériences pour lesquelles j'ai eu et j'ai toujours énormément de reconnaissance. Et on en revient à notre ami la musique, qui nous donne absolument tout. On reconnaît bien évidemment le terrifiant thème des Dents de la Mer. Stéphane Lerouge, John Williams, parce que là on a entendu ce monsieur qui a l'air très posé, très oui. Calme, voilà, qui parle de lui avec même une certaine forme d'humilité. Mais d'où vient-il et est-ce qu'il a grandi dans un milieu musical ? Oui, parce que son père était lui-même musicien, percussionniste, je crois, et qu'il a grandi finalement avec quelque chose qui était en lui, c'est-à-dire que, un peu comme Lalo Schifrin ou Michel Legrand, c'est quelqu'un qui a grandi avec des tas d'influences musicales et qui, à travers le cinéma et l'écriture pour l'image, a réussi à faire la synthèse de tous ces univers qui cohabitent en lui. C'est-à-dire qu'il est à la fois devenu, bien sûr, un symphoniste, marqué par la musique baroque, la musique romantique, la musique impressionniste, la musique du XXe siècle également, mais aussi, je veux dire, le jazz, les jazz, qui est d'ailleurs un idiome qu'il a un peu abandonné, qui est plus présent dans les débuts de sa carrière. Donc, William, c'est ça, c'est pas un territoire, c'est plein de territoires qui cohabitent dans un même continent. Et Chloé Huvet, en écoutant John Williams s'exprimer, on peut voir aussi que, même en tant qu'élève, il avait déjà cette appétence pour modifier ce qu'il entendait et expérimenter. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a particulièrement séduit dans son parcours ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que John Williams, il indique souvent en entretien que il est connu pour composer des grands thèmes, mais que finalement son attention se porte surtout sur la couleur et sur le choix des timbres. Et on entend très bien dans l'extrait de l'interview que vous avez passé ces caractéristiques d'orchestration avec tel instrument est trop fort, il faudrait plus de couleurs de flûte ou de basson, etc. Et on voit aussi une grande caractéristique de son langage audiovisuel, c'est son attention à l'image, à la caractéristique de la temporalité de l'image, des mouvements qu'on voit à l'écran. Et ça, c'est quelque chose qui est très typique de Williams, parce qu'il refuse de lire les scénarios avant de travailler. Il se laisse vraiment imprégner par l'image elle-même. Oui, donc il faut déjà que le film soit monté pour qu'il puisse en faire la musique. Oui, il intervient souvent après coup. Alors après, ça va évoluer au cours de sa carrière, notamment avec Spielberg dans leur production récente, étant donné qu'ils ont quand même l'habitude de travailler ensemble depuis maintenant un certain temps. Spielberg va l'impliquer beaucoup plus tôt, par exemple pour La Guerre des Mondes en 2005. Il a commencé à composer alors qu'il avait vu que 30 minutes de Rush. Il a dit, c'est suffisant, je vois très bien comment ça va sonner. Et Spielberg donc a découvert vraiment la partition le jour des sessions d'enregistrement avec l'orchestre. Donc il y a des moments où il peut intervenir plus tôt, mais c'est vrai qu'en général, il préfère réagir à un montage qui est à peu près final. Stéphane Lerouge, vous nous l'avez dit, il est influencé par différents styles, par différentes époques, mais est-ce qu'il a un instrument de prédilection ? Son instrument de prédilection, ce serait l'orchestre. Parfois avec un soliste en avant de la masse orchestrale qui peut être le violon d'Isaac Perlman, le violoncelle de Yo-Yo Ma. J'ai un petit nostalgie pour les débuts de sa carrière où par exemple il utilisait l'orchestre mais complété par une rythmique de jazz et avec des grands solistes comme ce sublime harmoniciste belge, celui qui s'appelle Toots Thielemans, qui était l'harmoniciste de Quincy Jones, de John Barry dans Macadam Cowboy, et qui est le soliste de Williams sur 2-3 partitions comme son premier Spielberg, Sugarland Express, ou un film un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Cinderella Liberty, et je trouve ça très très très beau. Voilà, mais c'est vrai que Williams a finalement, en tout cas au cinéma, peu écrit de partitions, disons, chambristes. Vraiment, il aime utiliser toutes les possibilités de l'orchestre symphonique. Et je pense d'ailleurs que, à partir surtout des Dents de la Mer, c'est quelqu'un qui finalement réactive un tout petit peu ou reconnecte une époque un peu évanouie de la musique de film symphonique. C'est-à-dire que combien il tend la main à la génération des Max Steiner ou des Korngold qui l'ont précédé, mais plusieurs décennies plus tôt. Et alors on a tendance à l'oublier parce que quand on entend John Williams, on imagine tout de suite Spielberg, Lucas, mais il a eu une carrière qui était déjà accomplie à la télévision. En fait, c'était avant tout un compositeur de séries télé. Oui, alors c'est pour ça. Est-ce que Frédéric, vous le prendrez mal si je en tout cas moi personnellement, je peux me tromper, mais j'affirme ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense vraiment que Williams a une première vie de sa vie professionnelle avec effectivement la télévision, avec les films de Mark Rydell, Les Rêveurs, avec un western avec Steve McQueen, Les Cowboys, son fameux triptyque de films catastrophes, notamment, mais c'est vraiment Jaws, Les Dents de la Mer, qui le fait devenir un compositeur, ce qu'on appelle à Hollywood de liste A, premier blockbuster de l'histoire du cinéma, et c'est vraiment donc quelque part, là, Spielberg se met à exister simultanément à Williams, et l'un sert à l'autre, et vice-versa. Eux deux créent quelque chose, de nouveau, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'écosystème hollywoodien de l'époque où les chefs d'orchestre n'étaient pas encore célébrés comme des composantes essentielles de la réussite d'un film, lui il avait déjà il avait déjà ses cachets, oui. Ses heures d'intermittent entre guillemets avec les séries télé qu'il composait. Bien sûr, ouais. Mais d'ailleurs ce qui est très curieux, c'est que l'histoire a un peu effacé le fait que Williams est devenu finalement, je dirais pas un choix B, ce serait vraiment péjoratif, mais il y a un premier compositeur de Spielberg qui s'appelle Billy Goldenberg, que Spielberg avait rencontré en travaillant sur des Columbo, qui a écrit la musique de Duel. Billy Goldenberg est mort en 2020, et j'ai eu la chance de pouvoir lui parler 2 mois avant sa disparition, et je lui dis poliment, en marchant sur la pointe des pieds, je lui dis, mais Billy, pourquoi vous n'avez pas continué avec Spielberg? Il m'a dit, vous savez, il m'a envoyé le scénario de Sugarland Express, mais j'avais une nouvelle saison de Columbo à écrire, et je lui dis, bon, je regarderai ça plus tard. Et dans l'intervalle, Spielberg a dit, bon, Goldenberg ne me répond pas, il dit, finalement, je vais engager le compositeur dont j'ai écouté peut-être la musique le plus souvent, parce que Spielberg adorait l'album des Rêveurs. Et voilà, et Goldenberg m'a dit, j'ai raté Spielberg, mais en même temps j'ai donné naissance à l'un des plus fabuleux binômes de l'histoire de la musique de film. Et Comment s'est déroulée cette rencontre avec Steven Spielberg? Très simplement, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que pour Sugarland Express, Spielberg avait en tête un orchestre symphonique massif à la Stravinsky, et vraiment, John Williams lui a dit non, c'est pas du tout ce qu'il faut pour le film, tu vas ruiner le film si on opte pour un son massif comme ça. Et donc il dit non, juste un petit harmonica, voilà, des instruments doux, c'est un film intimiste. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que déjà Williams s'est un peu affirmé comme co-auteur du film. Spielberg n'arrête pas de le dire en entretien, mais je pense que c'est vraiment profondément vrai, en fait. À chaque fois, le travail de Williams, c'est de donner une autre lecture aux images et reconfigure totalement le sens de certaines séquences. Voilà, Spielberg étant lui-même surpris. Enfin, on a entendu le Dents de la Mer tout à l'heure, le thème des Dents de la Mer, et pareil, il pensait que c'était une farce de John Williams quand il lui a joué pour la première fois le thème du requin au piano. Voilà, donc et ça a d'ailleurs influencé ensuite la réalisation de Spielberg. Tout qui s'est dit, mais avec ce thème et cette musique-là, je n'ai pas besoin de montrer autant ce requin mécanique qui avait tant problème. De problèmes. Voilà. Et donc, il a beaucoup plus fait appel au pouvoir dramatique du hors-champ et qui est porté notamment par la musique. Oui, donc c'est vraiment une de ces exemples concrets où la musique pallie aux carences de l'image. Oui, absolument, mais c'est vrai que Spielberg, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien la musique, il est lui-même clarinettiste, et il a cette confiance dans la musique aussi, dans le pouvoir de la musique dans ses films, et c'est vrai que ses films comportent beaucoup de musique, et en fait, il laisse la place nécessaire à la musique pour s'exprimer. Et alors, j'aimerais vous faire réagir à un autre réalisateur avec lequel John Williams a travaillé, qui est Robert Altman, ouais. En 1973, avec The Long Goodbye, qu'on appelle en français Le Privé, on écoute. Stéphane Le Rouge, alors là, évidemment, on reconnaît le John Williams jazzman. Ouais, parce que non seulement il est évidemment compositeur du thème, mais il l'interprète lui-même en trio. Et pianiste. Parce qu'il est pianiste. Après, il est passé à d'autres instruments, mais il est pianiste à la base. Et il a d'ailleurs démarré comme pianiste de séance. Et notamment pour Henry Mancini, qui était un de ses parrains à Hollywood. Il y a un très beau disque de Mancini qui s'appelle Combo, en 62, donc en petite formation de jazz, sur lequel Williams improvise au clavecin. Et moi, j'étais très ami pendant 25 ans avec Michel Legrand. Et Michel Legrand m'a dit, quand j'ai découvert Williams, j'ai d'abord découvert l'instrumentiste. Chez un producteur qui s'appelait Saul Chaplin, qui était un des coproducteurs de West Side Story, il me dit, et Saul Chaplin avait une bibliothèque avec des tas d'arrangements pour quatre pianos. Et Williams était l'un des quatre pianistes. Et Michel a dit, j'ai vu ce jeune type, ils avaient exactement le même âge, ils étaient séparés par trois semaines, l'un était de février 32, l'autre de mars 32. Il dit, et j'ai eu un coup de foudre d'amitié pour ce jeune garçon en me disant, mais il est aussi bon compositeur qu'il est jazzman et pianiste. Et malheureusement, ben voilà, le parcours de Williams a fait qu'il a été englouti dans l'écriture, la composition, l'orchestration, la direction d'orchestre, et que ça a fait un peu oublier ses qualités de musicien interprète. Et alors ce passé de jazzman, il l'a reconvoqué quand il a composé la musique de Attrape-moi si tu peux, Catch Me If You Can, ouais, de Steven Spielberg en 2002, et on écoute. Pendant le hors antenne, que la première fois que j'avais entendu ce morceau au cinéma, justement, ça m'avait fait penser à la Panthère Rose, ce gimmick qui revient. Et je me demande si. Et vous êtes chanteur alors, Frédéric aussi. J'ai tous les talents. Ah, oui. J'ai tous les talents. Et à deux verres, vous me verriez. Mais en fait, moi je pense que quand on écoute certaines des premières musiques de Williams dans les années 60, notamment un film de William Wyler qui s'appelle Comment voler un million de dollars, il y a également un film complètement oublié qui s'appelle Fitzwilly, un si joli petit gang en français, qui sont des musiques vraiment où, à la limite, on sent très bien qu'on a de la production à demander à Mancini qui n'était pas libre et qu'on est allé vers Williams un peu en choix alternatif et que Williams a fait du Mancini. Il est entré vraiment dans le langage, l'esthétique de Mancini de l'époque et ça a été vraiment une de ses influences. Alors, et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut rappeler aussi graphiquement, d'ailleurs visuellement, à l'image dans le générique. Et Stéphane Lerouge, vous citez des films que je n'ai pas la chance d'avoir vus et qui justement permettent de retracer une sorte de CV musical de John Williams. Mais justement, je me posais la question par rapport aux auditeurs plus jeunes qui nous écoutent. Comment on fait aujourd'hui pour avoir accès à ces films en dehors de la cinémathèque, si jamais on a la chance d'avoir une cinémathèque bien achalandée à côté de chez soi? Les plateformes, YouTube, en deux clics, un monde est accessible. Par rapport à d'autres générations, il fallait attendre que les films soient rediffusés à la télévision ou passent en salle. Donc, il y en a beaucoup qui sont édités en DVD également, même des films sont trouvables. Ouais. Voilà, je sais qu'à la bibliothèque François Truffaut, ils ont quand même un bon fond aussi de DVD. C'est... Ouais. Si, il y a quand même des petites pépites un peu anciennes, voilà, pour les générations qui ne connaissent pas ce genre de film. Oui, parce que je me fais vraiment l'avocat d'auditeurs qui souvent m'envoient des messages en me disant « Bah oui, mais où on les trouve ces films, où on les voit ?» Mais il y a votre collection de VHS aussi, Frédéric. Oui, VHS, DVD, etc. Mais faut-il encore avoir un magnétoscope qui fonctionne? Non, il repasse sur Arte, il y a un certain nombre de plateformes, Universciné, ce genre de plateformes, sans parler de YouTube que mentionnait Stéphane, mais il y a quand même un accès facilité aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, il faut laisser ça au bon vouloir, à la bonne volonté des auditeurs. On peut les trouver. Oui, on peut les trouver. Oui. On peut les trouver. Et si je peux me permettre de compléter ce qu'a dit Stéphane sur le retour un peu du jazz dans Catch Me If You Can, on entend aussi cette grande influence de l'univers jazz dans les aventures de Tintin également, notamment dans le générique, où il va utiliser saxophone, trompette avec sourdine wah-wah, growl, etc. Et également dans Les Derniers Jedi, dans l'épisode 8, où pour la scène de Canto Bight dans le casino, voilà, il fait référence à la scène de la cantina de l'épisode premier, 4. Ouais. Et voilà, mais en convoquant une sorte de swing, matinée de samba, voilà, avec des steel drums, des kazoos, et puis ces instruments cuivre, donc avec des sourdines évocatrices de ce son swing qu'il essayait de retrouver. D'ailleurs, c'est pour moi, ce n'est que mon point de vue, mais je trouve que le générique visuellement et musicalement de Tintin, c'est le meilleur moment du film. C'est-à-dire que le film s'arrête pour moi après le générique, quoi, parce que j'ai trouvé ça... je vous trouve sévère. Hein. Moi, je trouve que c'est un des films d'aventure et d'animation les plus réussis de ces dernières années et qui, à mon avis, il va être revalorisé au fur et à mesure du temps. Je l'ai regardé avec mes enfants et voir en fait la réaction des enfants sur les images, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose dans ce film qu'on n'a encore pas bien. Non, moi je suis d'accord avec vous, mais le générique est très beau. Le générique est magnifique. Et la poursuite dans Sidecar qui fait comme un écho tardif à celle du troisième Indiana Jones est très réussi. Mais graphiquement, les personnages, l'animation des personnages, la technique. Est assez, comment dire, elle vieillira, mais la mise en scène, je trouve... C'est ça, il y a quand même des idées de mise en scène qui font que les flashbacks du Capitaine Haddock avec son ancêtre, Rackham le Rouge, avec des plans qui passent du passé au présent, comme avec ça... Avec cette musique qui est évocatrice des Swashbucklers, à la Errol Flynn, c'est des séquences magnifiques. Je sens que j'ai un bloc devant moi. Et vous préférez donc tous les deux également les effets spéciaux du quatrième Indiana Jones à ceux des trois premiers, peut-être? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais non, non. Mais le monde n'est que nuance, Stéphane Lerouge. On va poursuivre notre exploration de la carrière de John Williams, mais pour le moment, on va écouter l'incroyable morceau de l'épisode 1, Duel of Fates, tiré de Star Wars épisode 1. Une musique qui a autant participé à l'aura de Darth Maul que son interprète, Ray Park. On écoute. Thank you. Blockbuster, Frédéric Sibelius. Jewel of Fate de John Williams dans Star Wars l'épisode 1. Alors évidemment, la Chloé UV, on a affaire à un thème qui a marqué la pop culture. Alors complètement, et c'est assez ironique finalement l'histoire de ce morceau particulier, parce qu'au début John Williams l'avait composé uniquement pour accompagner le générique de fin. Et puis le dernier tiers du film a été entièrement remonté parce que George Lucas a montré son film à Spielberg, à Ron Howard, etc. Et finalement il a opté pour un montage alterné entre différentes batailles, actions entrecroisées, et donc il fallait une musique. Et finalement John Williams a chargé son monteur musique, donc Kenneth Swanberg, qui était son monteur attitré depuis La Vallée des Poupées jusqu'à Munich en 2005, au moment où il a pris sa retraite. Et Kenneth Swanberg, en interview, surnommait ce morceau Jewel of the Fate le morceau utilitaire qui lui permettait de boucher un peu les trous du montage, voilà, là où c'était nécessaire. Donc c'est vraiment, en fait, il a pris ce morceau-là, une aura absolument incroyable, finalement grâce au travail du monteur. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un morceau qui est particulièrement puissant parce que pour la première fois dans Star Wars, John Williams va convoquer un grand chœur mixte qui chante en sanskrit pour donner un caractère, il dit, de messe cérémonielle où le bien et le mal s'affrontent. Voilà. Et puis il y a toute l'ampleur de l'orchestre symphonique derrière, qui est très stratifié, où on entend vraiment les pupitres les uns après les autres. Et puis ça crée comme ça une masse sonore vraiment puissante. Et Williams, en fait, a retravaillé aussi les sonorités en post-production, parce qu'il s'est rendu compte que au moment de l'enregistrement, le live n'était pas complètement satisfaisant. Donc voilà, il a vraiment retravaillé tout ça pour avoir plus de puissance dramatique. Thème qu'on retrouve ensuite dans l'affrontement Obi-Wan-Anakin dans Revenge of the Sith. Alors très brièvement, en fait, c'est vraiment en amorce, et c'est surtout le duel entre Yoda et Palpatine, oui, au Sénat, qui est accompagné par Jewel of the Fate. Ouais. Et ce qui est assez frappant, c'est que on sait que Disney Plus, enfin Disney de manière générale, continue de créer un univers étendu autour de Star Wars. Et on a eu la série Obi-Wan qui a présenté un nouvel affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador, mais sans la composition de John Williams, sans ses thèmes. Et effectivement, on se dit, il y a quelque chose qui manque. Et c'est cette musique aussi, c'est-à-dire que dans Star Wars, le comédien dont on ne peut pas se passer, c'est la musique de John Williams quand même. Oui, absolument. C'est vraiment dans le sillon du genre du space opéra. Enfin, il fallait vraiment que la musique porte les enjeux narratifs et dramatiques du film. Donc, elle est très présente, et surtout, ça lui a permis de renouer justement avec une forme de pratique symphonique. Voilà, des compositeurs des années 30-40 que citait Stéphane tout à l'heure. Et il dit souvent que finalement, c'est le seul univers où il a pu se permettre de revenir à une sorte de pratique un peu désuète, et que finalement, c'est dans Star Wars, on entend vraiment de la pure musique symphonique, post-romantique, impressionniste, etc. Et c'était ce type d'univers qui lui permettait de revenir à ça, parce qu'il fallait contrebalancer l'aspect des paysans, des planètes, des créatures, des mondes inconnus, des vaisseaux, voilà. Et donc, l'auditeur est quand même plongé dans un univers sonore qui lui est assez familier. Et à propos d'univers, ça fait plusieurs années que sur grand écran, les super-héros dominent. On a l'impression que c'est une mode. Je ne sais de dire que ce n'est pas une mode, étant donné qu'elle a, ou alors c'est une mode qui a démarré il y a longtemps, parce qu'il y a un premier film de super-héros qui avait déjà constitué un énorme blockbuster, qui est Superman, en 1978, film de Richard Donner, et qui a un thème mythique, composé une fois de plus par John Williams. Thank you. le thème mythique de Superman. Stéphane Lerouge, qu'est-ce que vous évoque ce thème quand on y repense à cette apparition comme ça de Christopher Reeves en Superman? Écoutez, je pense que je n'ai pas revu le film depuis sa première diffusion sur ce qui était encore FR3 en 1981, donc ça fait quelques années. C'est la marche triomphale. Je déteste le mot franchouillard, mais presque américanouillard, pardon pour ces néologismes, mais quelque chose qui est l'archétype de la marche qu'il faut pour toutes les vertus positives d'un super-héros américain. Quoi. Oui, d'ailleurs, en filigrane, on annonce déjà le thème, on le disait hors antenne, le thème d'Indiana Jones également. Oui, alors, dans le thème d'Indiana Jones, Williams raconte toujours que la consigne de Spielberg, ça a été de mêler trois caractéristiques, c'est-à-dire de faire un portrait, là aussi, du héros, avec quelque chose qui soit héroïque, mais en donnant ensuite deux paramètres qui étaient quasiment contradictoires, en tout cas paradoxaux, plutôt, qui étaient de faire quelque chose qui soit en même temps positif, mais sournois. Et donc, parce que le personnage est à la fois malin, mais en même temps, il peut à la fois être amené à mentir, à trier pour arriver, pour que le bien gagne. Et donc, c'était, disons, il fallait faire cohabiter des paramètres un peu plus paradoxaux, je pense, que dans Superman, où là, on est vraiment premier degré, quoi. Oui, on est dans le registre épique, oui. Avec ces cuivres triomphants, voilà, ces intervalles très, très éclatants. Ouais. Donc, c'est vraiment... voilà, il reprend des associations symboliques qui ont été forgées dans les musiques à programme, enfin depuis l'époque baroque. Voilà, dès qu'on a un thème comme ça pour un héros, forcément on a les fanfares de cuivre aussi, donc il y a la marche et puis c'est cette fanfare très très rayonnante. Oui. Ouais. Chloé, justement, dans la conception d'un thème pour un héros tel que Superman, pour un héros tel que Indiana Jones, il y a quelque chose qui me frappe dans le CV musical de John Williams, c'est que on a l'impression qu'il a mis en musique un certain fantasme d'une sorte d'impérialisme américain ou d'héroïsme d'une Amérique fantasmée qui va de l'avant. Parce que c'est pas un hasard si Ronald Reagan a parlé du programme spatial comme la guerre des étoiles. Mmh. Il y a quelque chose qui est très lié aussi à l'histoire de l'Amérique et du héros américain dans la musique de John Williams, qu'on le retrouve même dans Il faut sauver le soldat Ryan, ou ça, c'est pas un hasard. Mmh. Bah, je pense que déjà, il puise dans des archives. Archétype, hein, tout simplement, même pour le thème de Luke Skywalker dans Star Wars, c'est vraiment l'archétype du héros. En fait, c'est quasiment un thème abstrait, finalement. C'est pas tellement un thème psychologique de personnage comme on peut l'avoir pour d'autres personnages dans d'autres sagas. Après, Williams a un rapport très fort aussi à la musique, enfin, aux racines de la musique américaine. Il puise beaucoup dans le folklore de Copland, de Ralph Vaughan Williams, notamment dans un film qui est assez peu connu, mais Janer, c'est vraiment ces tropes en fait pastoraux en musique qu'on va retrouver dans Cheval de guerre, par exemple, plus récemment. Ouais. Et j'ai un souvenir très très marquant. C'était, et en même temps un peu mélancolique aujourd'hui, de la dernière venue d'Ennio Morricone en France. C'était fin 2018, concert d'adieu à Bercy. Et la veille, on avait organisé avec Frédéric Bonneau à la Cinémathèque une rencontre avec Morricone qu'on co-animait. Et je vais demander à la fin, je dis qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, maestro? On l'appelait maestro. Et Morricone avait dit, écoutez, il y a un genre que je n'ai pas assez travaillé, que sur lequel j'aurais aimé plus pouvoir m'exprimer, qui est la science-fiction. Il n'avait fait que deux films de science-fiction, dont un film italien qui s'appelle L'Humanoïde et un film qui s'appelle Mission to Mars. Et il avait dit textuellement, il dit, il faut, pour raconter le cosmos, l'espace et l'infiniment grand, essayer de trouver des solutions non conventionnelles et non pas photocopier des espèces de marches néo-wagnériennes. Et en disant ça, entre les lignes, évidemment, il visait John Williams. Et Star Wars, qui effectivement, on peut vraiment parler d'archétype, parce qu'il y a ensuite des tas de compositeurs se sont engouffrés dans la brèche. Et bon, simplement, Williams a forgé quelque chose. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'en détacher aujourd'hui. Bah, ça dépend, parce que c'est vrai qu'on voit dans les films de super-héros récemment qu'a émergé finalement une autre forme d'archétisme musical pour les super-héros, avec le modèle proposé par Hans Zimmer sur Batman Begins, en fait. Oui. Donc maintenant, on a plutôt cette tendance à avoir des petites cellules beaucoup plus brèves, avec des ostinatos rythmiques très dynamiques en dessous, avec des sonorités de synthèse très très puissantes, très massives. Et ça, c'est plutôt quelque chose, voilà, qui naît d'un tournant autour des années 2000 dans l'industrie hollywoodienne. Et c'est plutôt finalement à ce modèle-là que se raccrochent aujourd'hui les compositeurs qu'au modèle archétypal qu'avait forgé Williams dans les années 70. Ouais, ouais. Et puis on a aussi assisté à un retour de la playlist de chanteurs qui viennent carrément déposer une chanson pour un film. C'est vrai que quoi qu'il arrive, parce que par la longévité de la carrière, vous imaginez, on parle de John Williams, il a commencé avec travailler pour la télévision au début des années 60. On est en 2022, donc ça fait 60 ans de carrière. Et c'est un peu comme Morricone, c'est-à-dire des espèces de carrières qui s'étalent, qui dépassent, qui franchissent la barre symbolique du demi-siècle, avec quand même ce problème qui est le sien. C'est-à-dire il a 90 ans aujourd'hui, 91 dans quelques mois. C'est comment renouveler l'inspiration. D'ailleurs, il a décrété que là, maintenant, il allait s'arrêter. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas, que The Fabelman ne sera pas son dernier Spielberg. Il est revenu quand même pour ce fameux Indiana Jones 5, première fois où il met en musique Harrison Ford, mais sans avoir Spielberg à ses côtés, parce que James Mangold prend la relève. Et donc c'est assez troublant. On sait forcément qu'il n'est plus là pour 10 ou 15 ans ou 20 ans. Il y a forcément une espèce d'effet d'entonnoir. Et parmi ce temps qui reste, comment va-t-il gérer ce qu'il a créé, ce qu'il a exprimé profondément, à la fois lui-même en tant que compositeur pour le concert, et en même temps en tant que compositeur pour l'image, même s'il a déclaré vouloir se mettre en retraite du cinéma. Oui, ce qui est assez fabuleux avec Williams, c'est qu'il s'est sans cesse renouvelé. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce temps long, cette carrière très éclectique en fait qu'il a eue. On parle assez peu aussi d'une partition qui est Les Cendres d'Angela, qui est une partition magnifique. Et on voit là dans les dernières années, dans ses compositions récentes, qu'il revient aussi au modèle qu'on évoquait tout à l'heure de confier la parole à des instruments solistes et notamment à ce qu'on appelle en musicologie des timbres transparents, c'est-à-dire la harpe, le piano, le celesta. Et ça, c'est lié aussi à son association de longue date avec un claviériste qui s'appelle Randy Kerber. Et c'est lui qui a forgé le son du celesta williamsien post-année 90. Et donc la valse d'Edwige, de la chouette d'Harry Potter qu'on a entendue en tout début d'émission. Et dans The Fabelmans, justement, j'ai eu l'occasion de jeter une petite oreille sur la bande originale. Et on a vraiment ce modèle avec des timbres très simples, un peu dans la lignée de la voleuse de livres, avec du piano soliste, de la harpe soliste. Et ici de la guitare, alors qui rejoint ce qu'il avait fait sur Stepmom, Ma meilleure ennemie, un film avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon. Et voilà, donc il y a une sorte de tournant, je pense, qui s'est amorcé autour de Cheval de guerre, Lincoln, où il tend à épurer un petit peu aussi ses masses orchestrales pour revenir à des modèles peut-être plus concertants et de prise de parole d'instruments solistes avec ses timbres très clairs, très très éthérés. Et il y a aussi une exploration d'univers complètement différent et même de sonorités complètement différentes avec l'épisode 3 de Star Wars, où on entend notamment des basses tibétaines. On va écouter. Chloé UV, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre ? On est en train d'entendre un morceau qui est extrêmement singulier dans l'univers musical de Star Wars, qui est, je pense, lié aussi au fait que le film même, La Revanche des Sith, est une sorte d'ovni aussi dans l'exalogie. Alors, on est en train d'entendre un morceau qui est composé pour la séquence de l'opéra où Anakin rejoint le chancelier Palpatine, qui est en fait Dark Sidious, et où... Qui lui parle de son passé avec voilà, son maître. Qui va lui parler de son passé pour manœuvrer, pour le faire plonger du côté obscur de la Force. Et en jouant sur sa peur de la mort, etc. etc., sur, en lui faisant miroiter le fait qu'il va peut-être pouvoir sauver sa femme s'il s'oriente dans cette voie-là. Et donc Williams propose en fait une sorte de nappe infrabasse, hein, vraiment dans les tréfonds du grave, confiée donc à des voix d'hommes extrêmement profondes, des basses tibétaines. Il semblerait qu'il ait beaucoup apprécié ces sonorités-là cette année-là, donc en 2005, puisqu'on les entend aussi dans La Guerre des Mondes. Donc il remobilise ces mêmes voix de basse tibétaine. Alors ce qui est très singulier, c'est qu'on a donc cette voix, c'est ce tapis grave de voix tibétaine, et au-dessus on entend des sons flûtés un peu au synthétiseur, et qui s'harmonisent très bien avec la plastique de l'image, où on a ces bulles mauves phosphorescentes. Voilà, c'est très très beau cette séquence d'un point de vue purement audiovisuel, en fait, l'articulation de la musique et de l'image. Et en tout cas, ce qui est très singulier aussi dans ce morceau musical, c'est qu'il n'y a aucune mélodie, évidemment. Il utilise les voix masculines graves pour leur timbre, en fait, comme une pure texture sonore, quasiment bruitiste, en fait. D'accord. Et ça, en fait, c'est vraiment... ça s'est fait en marge de l'image, ou il y a eu un travail de concertation avec George Lucas Non, il y a eu un travail de concertation. Il y a d'autres passages où George Lucas voulait vraiment qu'il y ait un chœur, voilà, pour notamment la scène où les Jedi se font décimer par les clones lorsqu'ils trahissent, évidemment, les idéaux, et qu'ils mettent en place l'ordre 66. Donc, c'était vraiment une sonorité... Qui a été concerté, choisi de concert avec Lucas. En préparant cette émission, j'ai vu qu'en 77, quand est sorti Star Wars, c'était aussi une sorte de retour en grâce de l'orchestre symphonique et du romantisme mis en musique, parce que jusqu'alors, c'était... C'est quelque chose sur lequel on est revenu aussi dernièrement, mais c'était principalement des chansons qui servaient de bande originale de films, de grands films. Et donc en fait, il a ramené quelque chose de l'ordre de l'orchestre symphonique. Stéphane Lerouge, est-ce que ça a vraiment marqué un avant et un après? Ah oui, bien sûr, oui, évidemment, puisque la génération justement des Steiner, Rocha, Korngold, s'est vraiment éteinte progressivement, professionnellement parlant, je veux dire à la fin des années 50. Rocha a eu des petites réminiscences dans les années 70, puisqu'il a travaillé notamment en France avec Alain Resnais sur Providence. Mais ce son-là, en tout cas, évidemment, les années 60 et l'arrivée de quelque chose de plus pop, en quelque sorte, et de plus influencé par le jazz aussi. On parlait de Mancini tout à l'heure, et c'est vrai que Williams a réactivé un type de langage, disons néo-romantique, mais en même temps avec une influence peut-être plus moderne, comme ce qu'il peut, il sait d'ailleurs parfois dans certaines partitions tenir compte de la deuxième école de Vienne. Il y a une musique qu'il aime beaucoup, vous parliez de Altman tout à l'heure, qui est la musique de d'un autre Altman, qui n'est pas Le Privé, mais un film qui s'appelle Images, et qui est une musique vraiment de facture très très moderne, mais en même temps avec un vrai thème très très lisible, vraiment un thème presque introspectif, un thème du souvenir, un accroche-mémoire, et qui aussi, comme ça, avec un deuxième thème complètement abstrait, et l'alternance des deux crée quelque chose, chacun le met en valeur l'autre, et c'est vraiment une musique vraiment passionnante que Williams revendique beaucoup, mais évidemment il la joue jamais en concert parce que c'est quelque chose qui déconcerterait ou qui serait un peu peut-être trop abrupte, trop radical par rapport au public qui vient et qui a envie d'écouter Indiana Jones ou Star Wars ou Les Dents de la Mer. Bah on l'entend là justement, ça a été glissé en tapis. Mais vous êtes un magicien. C'est Anne-Sophie Ladon qu'on doit remercier. Et oui, et il a utilisé des sculptures musicales, c'est des sculptures bachettes, donc c'est des instruments construits avec des morceaux de métal, de verre, etc. Et donc on rejoint la manière dont on a commencé l'émission avec cet attrait pour la couleur, cette recherche de sonorité, de timbre, qui est vraiment une constante sur toute la carrière de Williams. Et ici, dans ce film-là, c'est vrai que c'est une recherche qui est particulièrement poussée. Et alors, Chloé Yvet, moi qui suis une véritable quiche en termes de musique. Je vous ai entendu une fois chanter la musique de la Boom. Oui, mais c'était une autre époque, un autre homme. Un autre homme. Et en fait, j'ai découvert aussi l'utilisation, enfin le concept de leitmotifs musicaux, notamment quand il a commencé à faire ses musiques pour Star Wars. Est-ce que vous pouvez expliquer aux néophytes ce qu'est un leitmotif musical? Tout à fait. Alors, le leitmotiv, c'est un procédé musical qui nous vient de la musique savante, hein, des opéras de Richard Wagner. Alors, même si Richard Wagner n'est pas l'inventeur du leitmotiv, comme on le trouve trop souvent, mais Richard Wagner a systématisé ce procédé-là. Et ensuite, les compositeurs du symphonisme hollywoodien des années 30-40 ont importé ce procédé d'écriture au cinéma. Et donc, on reboucle la boucle. Williams ayant été influencé par ces compositeurs-là, il a tout naturellement intégré aussi ce procédé d'écriture. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un leitmotiv ? C'est un court motif musical, donc une idée musicale assez brève, qui est associée à un référent extra-musical, donc c'est-à-dire que ça peut être un personnage, un lieu, un objet, une idée abstraite comme le bien, le mal. Et en fait, la caractéristique du leitmotiv, c'est qu'il va revenir un certain nombre de fois au cours du film. Et à chaque fois qu'il va revenir, il va être transformé, métamorphosé, soit dans sa mélodie, soit dans son rythme, soit dans son timbre, dans son registre, etc. Et donc, grâce à ces métamorphoses internes, le leitmotiv va pouvoir éclairer la narration et son référent, le personnage par exemple, sous différentes facettes, de montrer l'évolution de la psychologie. Un petit peu comme Pierre et le Loup qu'on étudiait à l'école. Un petit peu, mais de façon vraiment beaucoup plus étendue. En fait, le leitmotiv a vraiment besoin d'une vaste fresque pour pouvoir s'épanouir et ne pas être limité à une sorte de panneau indicateur ou d'étiquette de personnage. En fait, c'est vraiment au-delà de ça. C'est pas simplement une signature d'un personnage, mais c'est vraiment saisir toutes les caractéristiques de la narration, l'évolution, voilà, les pensées aussi des personnages. Donc c'est vraiment un apport. En fait, c'est le lieu d'une narration parallèle par la musique vis-à-vis de l'image. Oui, c'est-à-dire que sans l'image, on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Juste normalement, en écoutant oui, la musique. Voilà, la musique, avec un bon leitmotiv. Voilà, si on connaît bien effectivement la trame musicale et puis qu'on a dans l'oreille la manière dont le leitmotiv a été exposé pour la première fois, quand on va le réentendre, on va se dire « Ah, il y a une petite transformation ». Et donc, évidemment, l'image va aussi nous aider à comprendre. En fait, c'est à double sens. L'image la reconfigure et la musique nous fait... Voilà, nous oriente aussi notre lecture de l'image. Donc c'est un double processus. Stéphane Leroge ? Ouais, mais moi j'ai toujours pensé, on a la chance d'avoir une vraie école européenne de musique pour l'image et on sent d'ailleurs, j'ai toujours senti un peu la différence même d'approche entre évidemment Morricone, Michel Legrand, Gabriel Yared, Mme Desplat aujourd'hui, même s'ils travaillent pour le cinéma américain, qui sont des gens qui sont plus des héritiers d'un grand compositeur qui est un des compositeurs pionniers de la musique de film en France, qui est Maurice Jobert. Et Jobert, lui, détestait, vomissait les compositeurs, en tout cas, qu'on évoquait tout à l'heure, les compositeurs hollywoodiens des années 30, qui ont forgé ce langage-là, c'est-à-dire d'avoir systématiquement des grandes formations. Il disait non, un film peut avoir besoin, en fonction des séquences, on doit construire une nomenclature propre, une formation d'orchestre propre à chaque film. Il détestait le fait que le langage soit toujours un langage néo-romantique et il détestait le stabilo-bossage. Il disait en caricaturant, il y a un personnage qui marche dans un couloir, il y a un rythme de marche, il s'arrête, la musique s'arrête avec lui, il recommence à marcher, la musique repart, il claque une porte, il y a un grand accord plaqué. Il trouvait que c'était le niveau zéro de l'approche musicale de l'image. Il disait, mais non, il faut au contraire écrire des choses qui soient davantage en contrepoint et essayer d'apporter ce que le metteur en scène n'a pas déjà mis dans l'image. Il faut que la musique soit un état supplémentaire. Et voilà. Et Williams, parfois, a été un peu l'héritier de cette... en retendant la main, justement, à Steiner, à Korngold. Il a été un peu l'héritier de ça. Je me souviens de Desplat me disant un jour, quand il a vu Star Wars, il s'est dit, mais c'est formidable, il y a ce son-là qui est réactivé par un compositeur plus jeune, plus moderne, et qui, quelque part, arrive à faire la synthèse entre Stravinsky, Richard Wagner, la deuxième école de Vienne, et tout ça forgé dans un seul langage qui est le sien, parce que, quoi qu'il arrive, deux accords de Williams, tout de suite, on reconnaît son écriture, il a vraiment une patte, une griffe, etc. Mais c'est vrai qu'on peut aussi regretter que sur un parcours aussi long, il n'a jamais travaillé pour un cinéma non américain. Vous voyez, Maurice Jarre en France, il a travaillé pour le cinéma anglais, allemand, japonais, italien. Il a travaillé avec Visconti en Italie, et évidemment nord-américain. Williams, à part une vague coproduction américano-italienne à ses débuts, il est resté dans un cinéma hollywoodien. Et surtout, il a réussi cet exploit de rester un compositeur de liste A. C'est-à-dire, il a toujours accepté des propositions. Il a eu cette chance aussi d'avoir des films qui sont arrivés à lui. Par exemple, Home Alone, Maman évidemment, j'ai raté l'avion, qui comptait d'énormes succès. On parle même pas d'Harry Potter, mais il a toujours été réactivé et il a toujours gardé ce lien avec le public. Mais avec cette frustration qu'il s'est jamais confronté à des cinéastes d'une autre culture, d'une autre nationalité. Oui, parce que c'était, on rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur l'identité américaine qui est associée à John Williams. Mais il faut dire aussi que quand il a proposé cette musique à George Lucas, quand il a créé Star Wars, voilà, qui a quand même été un petit peu une œuvre matricielle du style John Williams, George Lucas, lui, voulait aller vers de la musique classique, parce que influencé comme beaucoup de gens de sa génération par 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour lui, il disait, on filme des étoiles, il faut de la musique classique et c'est Williams qui dit non, faut qu'on aille vers autre chose. Bah, tout à fait, parce qu'en fait, le problème d'utiliser des musiques préexistantes, d'ailleurs que ce soit des chansons ou de la musique savante, c'est que déjà la musique vient avec certaines connotations qui sont liées à le contexte dans lequel elle a été créée, sa signification propre, etc. Et on l'importe dans un contexte qui est autre. Et donc il y a ce problème-là. Et le deuxième problème, c'est que c'est une musique qui n'est pas pensée pour l'image. Et donc elle est plus rigide, elle est moins flexible au niveau de son utilisation au montage. On ne peut pas l'adapter aussi facilement qu'une musique qui est véritablement pensée pour telle scène, avec telle durée, etc. Donc le processus s'est inversé et Williams a dit, avec Star Wars, il y a des enjeux narratifs clairs, il y a des personnages qui sont bien délimités et il faut qu'on puisse les porter par la musique. Et malheureusement, utiliser des musiques préexistantes, ça ne permettra pas d'ajouter cette dimension-là au film. Et la chronologie même de Star Wars lui a permis d'expérimenter, dans une forme de classicisme, mais le fait d'avoir fait les épisodes 4, 5, 6 avant de faire les épisodes 1, 2, 3, l'a amené en fait à déconstruire les thèmes qu'il avait établis pour certains de ses personnages. Ça, j'imagine que pour un compositeur, savoir que avoir créé un leitmotiv musical pour Dark Vador, le côté obscur, et tout d'un coup, des années plus tard, devoir avoir quelque part à expliquer la genèse musicale de ce thème en le déconstruisant et en faisant autre chose pour que ça devienne le thème d'Anakin enfant. J'imagine que ça aussi, pour un compositeur, c'est assez intéressant. Oui, c'était un défi tout à fait intéressant pour lui. Après, ce qui est assez singulier dans la prélogie Star Wars, c'est que finalement, on va dire 90% de la musique est nouvelle. En fait, on pourrait s'attendre justement à ce qu'il fasse beaucoup plus référence au catalogue de thèmes qu'il a composé pour les épisodes 4, 5, 6. Et finalement, lui, il a évolué entre-temps, donc il n'avait plus forcément envie de répéter ce type d'orchestration aussi. Donc il y a quand même une rupture qui a été marquée entre les deux trilogies. Et finalement, il fait assez peu appel au grand thème qu'on connaît, au grand leitmotiv. Le leitmotiv le plus repris, c'est le thème de la Force, par exemple. Alors la marche impériale, elle est quand même utilisée, mais avec parcimonie. Et alors il avait essayé, c'est vrai, de faire dériver le thème d'Anakin enfant de la marche impériale. Mais en fait, on se rend compte que ce qu'il y a sur la BO et ce qu'on peut entendre nous, c'est très peu utilisé dans le film. En fait, il y a juste un ou deux moments où on entend cette référence à la marche impériale, mais pour des scènes qui n'ont aucun rapport avec le côté obscur. Donc dans quelle mesure ça a été l'objet d'un remontage, etc. Donc finalement, ça n'a que peu d'incidence réelle sur la narration musicale. En fait, tout ce travail, c'est plus un travail compositionnel auquel il a pris plaisir, mais qu'on ne retrouve pas forcément énormément dans le film. Et alors, sur la marche impériale, on s'est livré à un exercice intéressant avec l'équipe de Blockbuster. C'est qu'on a essayé de refaire une sorte d'historique de la marche impériale. Parce qu'en fait, John Williams a été influencé par des compositeurs classiques, mais il a également influencé d'autres compositeurs de musique de film actuelle. Et là, par exemple, vous allez écouter Chopin, puis la marche impériale de John Williams, puis un morceau de The Batman de Michael Giacchino. Et on a vraiment l'impression, en fait, que c'est un arbre généalogique. là, on a quand même l'illustration que rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se crée, tout se transforme. C'est assez impressionnant, en fait, d'écouter les trois comme ça. On a vraiment l'impression que... Il y a des compositeurs qui se parlent à travers les époques, en fait. Alors, c'est assez peu surprenant, en fait, de la part de Michael Giacchino, parce que c'est vraiment un compositeur qui est inscrit un petit peu dans le sillon williamsien. En fait, il fait partie des symphonistes actuels. Il y en a quand même relativement peu, encore aujourd'hui, qui composent cette manière-là. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quand même lui qui a composé la musique de Rogue One. Donc, il a aussi été imprégné dans l'univers Star Wars avec ce spin-off. Donc voilà, mais ça a été très très remarqué par les internautes, etc. Cette parenté entre le thème de Batman et évidemment la marche impériale. Vous imaginez pour un compositeur d'aujourd'hui comme Giacchino qui a 50 ans, quand il doit sur certains projets prendre la suite de compositeurs comme Lalo Schifrin quand il a fait Mission Impossible ou John Williams, c'est-à-dire que brusquement il se retrouve à prendre la suite de compositeurs dont il a écouté les musiques enfant, adolescent, il s'est nourri de leur écriture et en même temps c'est à son tour quoi. Et donc ces compositeurs ont façonné sa vocation, ont fait ce qu'il est aujourd'hui et c'est quelque chose d'émouvant parce que c'est une pression énorme de se dire est-ce que j'arriverai à être à la même altitude qu'eux quoi. Et c'est, vous faites bien de le dire parce que c'est effectivement cette pression énorme et Alexandre Desplat, grand compositeur aussi, en parle. John Williams, évidemment, c'est ma plus grande idole. Donc arrivé après John Williams, c'est très simple, vous êtes en panique. Voilà, vous demandez bien comment vous allez vous sortir de ce guépier. J'ai eu de la chance parce que le film, le premier épisode, se passait en dehors de l'école. Donc avec le metteur en scène, il a été assez vite décidé qu'on utiliserait peu le thème de John Williams, donc je le cite parfois une mesure, deux mesures, comme ça, de temps en temps, comme un petit écho. Donc j'ai eu cette chance-là et de pouvoir chercher autre chose. Il parle bien évidemment de la bande originale d'Harry Potter. Harry Potter, sur lequel John Williams a effectué aussi quelques expérimentations en préparant cette émission. Vous nous avez parlé de ce moment où on entend des percussions dans Harry Potter à l'école des sorciers. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette utilisation unique des percussions ? Oui, je parlais de l'évolution justement du style de John Williams donc au tournant des années 90-2000 et l'utilisation vraiment considérablement étendue et diversifiée du pupitre des percussions en fait partie, c'est-à-dire que c'est vraiment un pupitre qui va avoir une visibilité très notable donc sur la trilogie Star Wars mais aussi dans ce premier épisode d'Harry Potter. On vient d'entendre le début de la scène d'échec version sorcier qui intervient à la fin du premier film et on a cette mise à découvert couvert en fait de ce pupitre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Williams va pas se contenter des percussions entre guillemets habituelles d'un orchestre symphonique occidental, mais il va venir donner d'autres couleurs avec des taïkos, avec des tambours japonais, avec des tambours indiens, etc. Donc il va puiser vraiment dans des percussions extra-européennes pour venir ajouter d'autres touches de couleurs à ces percussions au-delà des timbales, cymbales, grosses caisses qu'on entend habituellement. Et ça, cette mise en avant des percussions, on l'entend très bien dans l'attaque des clones, dans l'épisode 2 de Star Wars. On l'entend aussi dans Minority Report, dans le passage où les petites araignées électroniques sont à la recherche de John Anderton, incarné par Tom Cruise. Donc c'est vraiment un pupitre qui prend une place considérable dans la production williamsienne des années 2000. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière trilogie Star Wars, au contraire, il va aller mettre plus en retrait. En fait, il va revenir à un modèle, disons, une forme de synthèse entre ces deux trilogies. Et en vous écoutant comme ça, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a une utilisation d'instruments étrangers ou de sonorités de type étrangère, mais justement pour illustrer quelque chose qui est à l'image fait un peu peur ou est différent. C'est voilà des basses tibétaines parce que c'est le côté obscur de la force. Là, des sonorités étrangères parce que il y a c'est une partie d'échec dangereuse. Les araignées de Minority Report. Mmh. Est-ce que c'est moi qui me trompe ou c'est quelque chose qui... Bah, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à la chose sous cet angle-là, mais je pense que ce que convoque Williams, c'est une forme de défamiliarisation, en fait, par ses sonorités, par rapport, aux sonorités habituelles d'un orchestre symphonique ou même d'un chœur qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, que ce soit les basses très profondes des voix d'hommes qu'il va réutiliser d'ailleurs pour le Supreme Leader Snoke dans l'épisode 7 et l'épisode 8, que ce soit ces percussions un peu exotiques. Alors, on les entend, dans un contexte aussi de jungle, dans Le Monde Perdu en 97, dans la suite de Jurassic Park, où là on a aussi cette très grande présence de ces tambours-là. Donc il y a quelque chose, je pense, de l'ordre, de déraciner l'auditeur d'un contexte musical auquel il est habitué et accentuer, alors soit quelque chose de dangereux, de périlleux, soit vraiment jouer sur d'autres univers avec Jurassic Park, par exemple, et puis Harry Potter, bien sûr. C'est vrai que le paradoxe, c'est que ces fameuses basses tibétaines, il les utilise dans un contexte complètement déraciné. C'est-à-dire que quand il fait un film qui se passe au Tibet, puisqu'il a travaillé une seule fois avec Jean-Jacques Hano, 7 ans au Tibet, avec Brad Pitt, il va pas les chercher parce que ce serait presque trop ton sur ton. Il y aurait presque ce serait presque un pléonasme. Mais là, il va chercher le timbre de Yo-Yo Ma, qui sera un thème, là aussi élégiaque, un thème complètement qui semble flotter, quoi. Mais par rapport à ce qu'on disait sur Alexandre Desplat, ce témoignage d'Alexandre, moi, un jour, j'ai posé la question à Desplat, je lui dis, mais comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as rencontré Williams? Est-ce qu'un jour, vous avez échangé sur, finalement, la continuité par rapport à Harry Potter? Parce qu'il a ouvert la série et toi, tu l'as terminé. Il m'a dit non, on s'est retrouvé un jour côte à côte, assis là, il m'a dit je me suis présenté, et il m'a parlé de la musique que j'avais faite, dit Alexandre, pour un film de Stephen Frears qui s'appelle Philomena. Il m'a juste dit « so much art ». Mais c'est tout, il s'est arrêté là. Et il me dit, c'est un homme adorable, poli et un peu indéchiffrable. Et ça m'a fait penser beaucoup à un témoignage d'Oliver Stone. Vous parliez du coffret Morricone tout à l'heure. Dans le coffret de Morricone, il y a un témoignage de Stone qui parle de leur collaboration. Morricone et lui, c'est un film qui s'appelle U-Turn. Et Stone m'a dit, il y a quelque chose qui relevait de l'énigme chez Morricone. Et j'ai ressenti la même chose chez Williams. Que Stone et John Williams ont fait 3 films ensemble, 3 films importants. Ils sont nés un 4 juillet, JFK, peut-être leur chef-d'œuvre, et Nixon. Et Stone m'a dit, Williams est là, il est à côté de vous, vous avez une légende américaine, le compositeur américain vivant, contemporain, le plus célèbre au monde, planétairement, il est là, il travaille avec vous, et en même temps, c'est un gentleman, et en même temps, vous n'arriverez jamais à le sonder profondément, à connaître le fond de sa pensée. Il me dit, il reste énigmatique. Il est très bienveillant, il est très souriant, il est d'une politesse exquise. C'est même étonnant de le voir avec un tel géant, avec une telle humilité. Mais quand vous essayez de le pousser dans ses retranchements, il ne vous livrera jamais le fond exact de sa pensée sur votre travail, sur le film. C'est assez étrange, hein, mais c'est ce que m'a dit Stone. Ça s'appelle la classe. I want to talk a little about movies. Je voudrais parler un peu de films et de musique, parce que j'ai toujours vu les films comme les éclairs de la foudre, parce que chaque éclair représente une seule image capturée. Il y a 24 images par seconde, et toutes ces images envoient un rayon de lumière sur un écran de cinéma. Et donc si les films sont comme les éclairs, alors les musiques de films, pour moi, c'est comme le tonnerre. Elles peuvent bousculer les choses pendant des années. Et elles peuvent même rester dans nos mémoires bien plus longtemps que le film qu'elles accompagnaient. J'en ai un ou deux comme ça, dont John s'est occupé, où la musique est plus célèbre, même beaucoup plus célèbre que le film. Mais il n'est pas de meilleur mariage que la musique et les films. Et à l'époque du muet, D.W. Griffith, Max Sennett et Charlie Chaplin, ils le savaient mieux que quiconque. Parce que dans cette période d'avant les chanteurs de jazz, avant le cinéma parlant, tout ce qu'on avait avec les images qui défilaient sur l'écran, c'était un piano dans le coin. Et ce piano accompagnait l'histoire du film et nous disait quand rire, nous disait quand pleurer, parfois nous disait quand il fallait se cacher les yeux. Et je pense que c'est lors de ce mariage arrangé entre l'image et la musique que le public est tombé amoureux des films. Et regardez où on en est maintenant. Et quelle chance nous avons d'avoir le grand maestro de la musique de film, John Williams. Steven Spielberg, un autre monsieur très très humble dans sa manière de parler de son travail et de l'apport de John Williams. Parce qu'en fait, quand on retrace un petit peu le parcours de John Williams, on se rend compte que cette humilité qui le caractérise dans ceux qui l'ont côtoyé, c'est aussi une humilité qu'il a mis à ne pas se mettre en avant, parce qu'il y a bien des moments où il a eu un impact énorme sur la réalisation et la mise en scène des films via sa musique. Oui, d'autant plus que, et c'est vrai pour Williams, mais pour des tas d'autres compositeurs, la musique est le seul élément du film qu'on peut détacher du film et qu'on peut écouter le plus souvent quand la musique est vraiment de qualité, comme une œuvre à part entière, avec une qualité propre, intrinsèque. Et Spielberg, d'ailleurs, dit quelque chose qui est très valable par rapport à son adolescence et qui est très valable par rapport à ce qu'il a fait avec Williams. C'est que Spielberg dit que adolescent, il voit Lawrence d'Arabie, qui est peut-être un des films qui a été le plus marquant pour lui. Il n'a qu'une envie, c'est de replonger dans le film. À l'époque, Internet n'existe pas, la vidéo n'existe pas. Et la seule solution pour continuer à s'immerger dans le film, mais chez lui, c'est d'écouter l'album de la bande originale de Maurice Jarre. Il disait, j'écoutais cette musique, je fermais les yeux et j'essayais de reconstituer le découpage du film, mentalement. Et ce qui est une magnifique déclaration d'amour à la musique de Maurice Jarre. Et des tas de générations de cinéastes qui l'ont suivi ont fonctionné de la même façon, mais en écoutant les musiques de John Williams pour les films de Spielberg. Vous imaginez les adolescents des cinéastes, même J.J. Abrams raconte qu'il a écouté l'album des Aventuriers de l'Arche Perdue comme un fou, en boucle, en boucle, en boucle, là aussi en fermant les yeux. Une espèce de truc comme ça qui se... Ah bon, on imagine bien que J.J. Abrams, non seulement il a écouté, mais en plus il a regardé les films, et c'est d'ailleurs bien ce qu'on lui reproche des fois, de les refaire exactement pareil ou moins bien. Oui, mais... il vous écoute, Frédéric, attention, soyez prudent. Oui, je sais, mais J.J., il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et Stéphane Leroux, vous avez également tenu à écouter un morceau. Vous allez nous en parler. Magnifique, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la seule collaboration de John Williams avec Clint Eastwood, parce qu'on parle tout le temps des grandes collaborations de Williams, des collaborations qui ont duré pendant des années, mais il y a aussi des grandes collaborations qui sont juste des collaborations uniques, éphémères, fugaces, météorites. Il y a Brian De Palma, il y a Alfred Hitchcock, dont il a fait comme le dernier film. Et là, c'est Eastwood, sur un film un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle La Sanction, The Iger Sanction. Et il y a deux semaines, j'étais à Lyon, au Festival Lumière, où Thierry Frémaux a accueilli Kyle Eastwood pour la première d'un concert assez unique, avec Kyle Eastwood en combo de jazz. Et derrière, orchestre symphonique. Et entre chaque morceau, il y a un dialogue filmé à Los Angeles mi-septembre entre Kyle et son propre père, Clint. Et Kyle interviewe son père et lui fait parler de ses collaborations. Et Kyle lui dit, tu sais, moi enfant, j'ai été frappé par ce film, mais peut-être encore plus par la musique du film et par ton travail avec John Williams. Et je trouve cette partition sous-estimée, injustement, alors que c'est une grande partition de Williams. Et je trouve ça injuste aussi que tu n'aies pas poursuivi avec Williams. Et là, on voit à l'écran Clint Eastwood, lui-même 92 ans, qui dit oui, qui sourit et qui dit, tu sais, oui, t'as raison. On dit, c'est le patron du studio qui était l'un des bienfaiteurs de John Williams. Il s'appelait Jennings Lang, qui était le chairman d'Universal Pictures à l'époque, qui a proposé Williams à Eastwood. Et Eastwood a dit, je n'ai jamais eu avec un de mes compositeurs un dialogue aussi intense et aussi précis sur l'histoire du jazz. On a parlé de tous les jazzmen qu'on avait écoutés adolescents, Williams et moi, ils sont de la même génération, Eastwood et Williams. Et puis on s'est mis d'accord sur une idée sur le film, parce que c'est un film comme un thriller d'espionnage, mais qui se passe à la montagne, avec beaucoup de séquences d'escalade, qui étaient excitantes à mettre en musique pour Williams, parce qu'elles étaient nues, elles étaient sans dialogue. Et ils sont mis d'accord sur une idée précise qui était d'avoir, parce que le film se passe à la fois en Europe et aux États-Unis, d'avoir quelque chose de plus classique, voire de baroque pour ce qui était européen, et de plus jazz pour ce qui était américain. Donc c'est une idée un peu théorique. Et puis finalement, Williams a dit très très bien, et puis il a absolument brouillé tous les repères, puisque le baroque et le jazz se mélangent pendant tout le film, en brouillant complètement la géographie, et notamment dans ce thème principal, ce qui est comme ça, comme une espèce de valse jazz, mais avec un parfum baroque. Je suis un petit garçon quand je vous écoute tous les deux. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et alors, John Williams, effectivement, dans ses collaborations, tisse des liens très personnels. En fait, on le voit avec Clint Eastwood. Là, vous l'évoquiez, ça lui a permis de convoquer son passé d'amateur de jazz. Mais il a également des amis musiciens à qui il a fait des promesses. Et des promesses qui se sont soldées aussi par de très, très beaux moments musicaux dans des films dont on se souvient évidemment. Quand un film comme La Liste de Schindler, on écoute John Williams. Steven Spielberg a fait un film magnifique dont tout le monde se souvient. Au départ, dans le premier script, il cherchait quelqu'un pour jouer un violoniste juif qui devait divertir des officiers allemands dans un club. Et cette scène n'a pas été utilisée. Et puisque ça faisait partie du projet original, j'ai dit à Steven qu'il fallait un violoniste pour faire ça. J'ai donc demandé à Itzhak Perlman s'il acceptait de le faire, et il a dit oui. Sachant que j'écrivais ces notes pour Itzhak Perlman, connaissant sa sonorité, je pense que cela m'a aidé à aller là où je devais aller. Je le connaissais depuis 20 ans, et à chaque fois qu'on se croisait, il me disait, John, quand est-ce que tu vas faire un film dans lequel je pourrais jouer du violon. Et c'est finalement arrivé pour La Liste de Schindler. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Itzhak, j'ai un film qui pourrait peut-être t'intéresser. Il m'a dit, je ne sais pas si je veux jouer du violon pour un film. Je lui ai dit, tu devrais jeter un œil à ça, c'est un truc de dingue. Alors il est venu voir l'orchestre et il a regardé quelques extraits du film. Certaines scènes l'ont profondément ému. Il n'a pas voulu revoir ses scènes. Il voulait simplement jouer. Il a donc offert son grand talent au film, qui embrasse sa vision des choses, son histoire. Le film se retrouve avec sa musique, avec sa voix. Et ça apporte tant à cette petite histoire, riche au milieu de la grande histoire. Alors ce morceau de violon, je me souviens être allé voir La Liste de Schindler avec mon lycée à l'époque de sa sortie et j'étais dans un lycée réputé sensible avec des jeunes forts en tête qui habituellement, surtout sur un film qui dure 3 heures et en plus qui parle de la Shoah, autant vous dire que les profs partaient pas confiants. Et je me souviendrai toute ma vie de cette musique où on a entendu un silence, mais de folie, où tout le monde, tous les camarades, même les plus virulents, ceux qui habituellement la ramènent, font une petite blague au moment gênant, parce que tout le monde a été séché et juste sur ce moment. Je vais vous dire sur la dernière séquence du film, le passage à la couleur et les comédiens et les vrais, c'est ça, les rescapés. Oui. À la fin sur la tombe de Schindler, là-dessus, vous voulez dire. Oui. Et mais il y avait une sorte de mélange image et ce violon qui est resté dans ma classe et parmi mes camarades très très longtemps et donc souvent on parle du devoir de mémoire par l'image, mais aussi le devoir de mémoire par le son. Ouais, c'est très curieux. Moi, c'est un autre souvenir, c'est que vous parlez de Michel Legrand tout à l'heure, de ses liens d'amitié avec John Williams. Legrand a été le premier compositeur à reprendre une musique de Williams dans un de ses disques, ce qu'on appelle un cover, un réenregistrement. Et Williams, ensuite, pour le remercier de ce geste-là, lui a permis de construire, de créer, quand Williams était le patron du Boston Pops, la suite symphonique de Yentl. Et moi, je vous parle de ça, donc on est en 94, la liste de Schindler sort, et la première fois où je vais chez Michel Legrand pour lui parler de réédition de son œuvre, je vois que Legrand était assez ému, je sais pas, et je lui dis, mais vous allez bien? Il me dit, oui, mais vous savez, hier, j'ai été voir la liste de Schindler, le film de Spielberg, avec une musique de John Williams, qui est peut-être mon compositeur américain préféré. Et Legrand s'est mis au piano et il m'a joué le thème. Moi, je n'avais pas vu le film, je n'avais pas entendu la musique. Donc, c'est très curieux d'ailleurs d'entendre pour la première fois le thème de la liste de Schindler joué au piano par un autre compositeur de la même génération que Williams. Et Legrand m'a joué le thème en pleurant. Et il s'était souvenu du thème, il l'avait pas noté, juste il avait la mémoire de la projection de la veille. Et il m'a dit cette phrase magnifique, il m'a dit, vous voyez ça, c'est le talent, sinon le génie de John, c'est d'écrire un thème comme le thème de celui de ce film, la liste de Schindler, et d'écrire un thème qui semble déjà être un thème du folklore, un thème qui est dans la mémoire collective depuis toujours, alors que c'est un thème à 200% original. Michel Legrand, qu'on entend à l'instant, Stéphane de Rouge. Avec ce fameux film, Fitzwillie, donc il est... Voilà, parce qu'ils étaient très très liés à l'époque aussi par des paroliers qui ont été souvent les paroliers de Williams. Williams a écrit beaucoup de chansons quand même, on l'oublie toujours, et avec notamment un couple de paroliers hommes et femmes, et mari et femme dans la vie, qui s'appelle Alan et Marilyn Bergman. Et Alan Bergman est aujourd'hui le plus vieux camarade professionnel de John Williams, parce que Alan Bergman est né en 1925, il a donc 97 ans en 2022. La musique, ça conserve. Et qu'il connaît John Williams depuis 1952, c'est-à-dire depuis exactement 70 ans. Ouais, c'est fascinant. Et là, je vais faire plaisir à Chloé Huvé, parce que tout à l'heure, on a parlé de Tintin. Ah. Alors, on a eu un grand débat avec Stéphane Le Rouge sur la pertinence ou la longévité de Tintin dans l'histoire du cinéma. Mais il y a notamment le thème de John Williams qu'il a écrit pour Tintin. Éclairez-nous sur les instruments qu'on peut entendre, Chloé Huvé. Au tout début, on entend une association de trames très originale, donc une clarinette et un clavecin. Le clavecin qui est finalement utilisé par Williams de temps en temps. Alors, on parlait du dernier film d'Hitchcock, Complot de famille, il utilise beaucoup le clavecin dessus. Ou dans une séquence des Dents de la Mer, sur l'ouverture des plages, il adore faire des petits clins d'œil baroque avec du clavecin. Voilà, il y a des petites références à la musique baroque. Et le clavecin, voilà, c'est une sonorité qu'il utilise aussi dans la dernière trilogie Star Wars pour le thème de Ray. En fait, c'est un clavecin synthétique qui est fondu dans d'autres instruments, le piano, le célesta. Mais ici, voilà, il y a cette sonorité un petit peu... on parlait de défamiliarisation sonore et je pense qu'il y a un effet d'étrangeté aussi avec cette sonorité un peu sèche du clavecin. Et après, voilà, il convoque vraiment l'univers swing avec les cuivres que je mentionnais tout à l'heure, le saxophone, les trompettes bouchées avec Sandine Grohl et Wawa. Donc c'est un thème très, très très sautillant qui nous entraîne voilà dans l'esprit du personnage, voilà dans cette quête incessante d'aller toujours de l'avant. Et puis c'est un générique, on en parlait tout à l'heure, au niveau visuel qui est extrêmement dynamique aussi. Et voilà, c'est vraiment un superbe générique. Mais c'est vrai, c'est plus un générique, disons, rythmique, qui tient au rythme, à l'orchestration, aux agencements de timbre, mais pas vraiment thématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne de chant forte qu'on peut retenir, qu'on peut chanter, contrairement à d'autres grandes partitions de Williams. C'est encore autre chose. Et par rapport à Schindler, qu'on évoquait à l'instant, ça m'amuse aussi, je trouve ça étrange, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens de Williams à la mi-temps des années 90 ou à la fin des années 90, où il dit qu'avec Indiana Jones et la dernière croisade, c'est presque une certaine période de son rapport à Spielberg qui se termine, parce que Schindler va arriver, et que Schindler marque quand même une césure, et presque le passage à un cinéma plus profond, plus mature. Mais les deux d'ailleurs ont eu une sorte de parcours presque parallèle, où justement l'auteur de Blockbuster a tout d'un coup voulu revendiquer aussi ne pas laisser qu'une trace dans l'imaginaire, mais aussi imprimer une sorte de marque dans l'histoire, faire un film beaucoup plus concret sur l'histoire de l'humanité. Oui, c'est ça. Et Williams dit exactement ça. Il dit, voilà, on arrive quand même à quelque chose qui est un sujet profond, qui nous touche tous, d'ailleurs. Je pense qu'il y a une forme d'universalité de la musique de Schindler, parce que, quelle que soit sa religion, ses origines, on est touché par ça. C'est un drame qui touche à l'être humain. Bon, et Williams dit, après avoir fait être allé vers ce type d'inspiration et avoir choisi ce sujet, du côté de Spielberg, il me dit, je pense qu'aujourd'hui, dit-il à la mi-temps des années 90, je ne pourrais plus refaire un Indiana Jones. Et il l'a pourtant fait quand Spielberg... Et on peut se demander, quand on voit le royaume du crâne de cristal, on peut se dire, mais finalement on a l'impression que surtout Spielberg accepte, parce qu'il y a une telle pression du studio, une telle pression économique, faut le faire. Mais est-ce qu'au fond de lui-même, ce cinéma-là correspond encore profondément à ce qu'il est ? J'en suis pas certain, et d'ailleurs lui-même l'a reconnu après, qu'il n'était pas fou du film, qu'il n'aimait pas le sujet que lui avait proposé Lucas, mais que bon, il avait fini par s'y plier. Et je pense que c'est un tout petit peu vrai peut-être aussi pour Williams, sur que finalement, ce qui reste musicalement du Royaume du Crâne de Cristal n'est pas aussi fort que ce qui restait des trois premiers films. Mais de toute façon, pour des metteurs en scène et des réalisateurs de cette stature, l'époque est extrêmement compliquée, parce que on voit que les derniers films de Spielberg qui sont pourtant d'énormes réussites visuelles, West Side Story, même si c'était un remake, mérite d'être vu. C'est une prouesse de réalisation comme on en a rarement vu sur grand écran. Vous parlez d'America, qui est est un film dans le film. Oui, et vraiment, qui est hallucinant. Ça s'est soldé par des échecs au box-office, c'est-à-dire qu'aux yeux des studios, et donc qui voient surtout la rentabilité d'un film, aujourd'hui, des Scorsese, des Spielberg ne font plus figure... On parle même pas de Coppola. Ils font même plus figure de proue, là où, justement, ce sont eux-mêmes qui ont inventé ce cinéma populaire de divertissement. Donc il y a quelque chose d'un petit peu cruel et paradoxal. Et c'est vrai que c'est pour ça, moi en tout cas, que sur ce fameux cinquième Indiana Jones, ça a été une nouvelle surprenante. Mais quand on a appris que Spielberg ne mettrait pas en scène le film, Spielberg a dit, je pense que pour redonner à ce film, qui sera un film de conclusion, une impulsion, une fraîcheur, faut un nouveau regard, et faut celui d'un cinéaste d'une autre génération. Et je trouve que ça pouvait sembler étrange, mais c'était peut-être la meilleure nouvelle qui puisse arriver par rapport d'autant à ce projet. D'autant que James Mangold est un très très bon réalisateur et qui s'est terminé de manière crépusculaire la vie de certains héros. Tous les amateurs de Wolverine le savent bien, vu que c'est lui-même qui a réalisé Logan. Et pour parler des compositeurs de musique aujourd'hui, alors on a entendu Alexandre Desplat, on a aussi entendu Michael Giacchino. Est-ce qu'il y aurait d'autres héritiers de John Williams, ou est-ce que la musique de film est en train de muter ? Et c'est vrai qu'on voit de nouveaux noms qui sont apparus dernièrement, Bear McCreary, Rawin Djawadi, qui sont plutôt des compositeurs de séries, mais comme aujourd'hui ces séries sont aussi des films à grand spectacle quelque part mis sur petit écran, est-ce qu'il y a une mutation et une filiation qui se fait entre l'univers de John Williams et les compositeurs de musique de film aujourd'hui ? Les noms que vous avez cités en fait font partie de ce qu'on appelle l'esthétique remote control. En fait, fait, ce sont des compositeurs qui gravitent dans l'orbite du studio de Hans Zimmer. Donc c'est vraiment différent par rapport à ce que fait Williams. Après, oui, il y a une ce que Pierre Bertomeu appelle une école Williams, par exemple portée par feu James Horner, mais par Alan Silvestri également, qui avait remplacé Williams sur Ready Player One au moment où il n'était pas disponible pour faire le film. Je pense à Thomas Newman aussi, qui avait aussi travaillé avec Spielberg sur Le Pont des Espions, en remplacement toujours de John Williams, qui avait des problèmes de santé à ce moment-là. On a parlé de Giacchino. Voilà, il y a aussi un grand compositeur, toujours dans cette veine symphonique, qui est James Newton Howard, que personnellement j'apprécie énormément, et qui a ce travail sur la couleur qui est vraiment extrêmement intéressant, avec des grandes mélodies. Enfin, c'est encore une autre déclinaison du symphonisme, en fait. Il y a certains avatars. Voilà, c'est pas forcément du copier-coller sur ce que fait Williams, c'est encore une autre approche de cet univers-là. Ouais, mais en même temps, Williams ayant lui-même 90 ans, les héritiers de John Williams ont eux-mêmes entre 65 et 70 ans. Voilà, c'est ça. Sauf Giacchino, qui est un peu plus jeune. Plus jeune, mais... Moi, j'aime beaucoup Ludwig... alors, je ne sais pas comment... Göransson. Que j'aime beaucoup. Et également Nathalie Holt, que j'ai découvert sur la série... Alors, je l'ai découvert sur la série Loki. Oui. Voilà, où je me suis dit, je connaissais pas du tout, et en fait j'aime beaucoup cette compositrice. Eh bien, je vous remercie, Chloé Huvet, Stéphane Leroux. C'est fini. Mais oui, c'est fini, c'est fini. Mais le sujet a été un peu expédié, je trouve. On a quand même passé une heure et demie sur John Williams. On s'est fait plaisir. Est-ce que je peux ajouter un dernier petit mot? Bien sûr. Alors non, je voulais simplement informer les auditeurs que nous organisons à l'université d'Évry du 7 au 9 décembre un grand colloque en hommage à John Williams. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il y aura deux grands concerts. Il y a un premier concert le 7 décembre à 19h au théâtre de Corbeil-Essonnes, où on accueillera le Star Pop Orchestra dirigé par Christophe Elliott, qui jouera aussi avec le chœur des étudiants de l'Université d'Évry. Et le 9 décembre, nous accueillerons Sylvain Morizet pour un récital de piano à la cathédrale d'Évry, à 19h également, avec trois solistes, donc violon, violoncelle et saxophone. Eh bien, merci pour l'information. Et comme je suis du 91, vous aurez l'occasion de me voir avec ma famille. Avec grand plaisir. On viendra. C'est la fin de cette émission. Merci Chloé Huvet, Stéphane Lerouge. Mais j'ai pas de message, moi. Je peux rien dire. Stéphane Lerouge, allez-y si vous voulez un message aussi. Allez-y. Un message, moi, je voudrais dire, John, si vous nous écoutez, écoutez, vous avez signé un contrat avec Deutsche Grammophon. Vous avez fait des concerts à Vienne, à Berlin, à Milan. Là, bientôt en décembre. À Caen, Paris. À Caen, Paris. Vous n'avez jamais donné de concert en France. On est tous frustrés, on vous attend. Bon, John Williams écoute, donc je pense qu'il va nous envoyer un petit message sur le répondeur de Blockbuster. L'émission a été réalisée et on la remercie par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Benjamin Ducy. Et aujourd'hui, quelle chance, on a eu Paola Collin à la technique. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter. Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.